Ici commence, depuis mon arrivée à Chambéry jusqu'à mon départ pour Paris en 1741, un intervalle de 8 ou 9 ans, durant lequel j'aurai peu d'événements à dire, parce que ma vie a été aussi simple que douce, et cette uniformité était précisément ce dont j'avais le plus grand besoin pour achever de former mon caractère, que des troubles continuels empêchaient de se fixer. C'est durant ce précieux intervalle que mon éducation, mêlée et sans suite, ayant pris de la consistance, m'a fait ce que je n'ai plus cessé d'être à travers les orages qui m'attendaient. Ce progrès fut insensible et lent, chargé de peu d'événements mémorables, mais il mérite cependant d'être suivi et développé. Au commencement, je n'étais guère occupé que de mon travail. La gêne du bureau ne me faisait pas songer à autre chose. Le peu de temps que j'avais de livre se passait auprès de la bonne maman, et n'ayant pas même celui de lire, la fantaisie ne m'en prenait pas. Mais quand ma besogne, devenue une espèce de routine, occupa moins mon esprit, il reprit ses inquiétudes. La lecture me redevint nécessaire, et, comme si ce goût se fût toujours irrité par la difficulté de m'y livrer, il serait redevenu passion, comme chez mon maître, si d'autres goûts, venus à la traverse, n'eussent fait diversion à celui-là.